es trop stressé, essaie de te lâcher. C'est une belle journée pour danser. Can't stop dancing, can't stop dancing. Can't stop, can't stop, can't stop dancing. Il y a trop de choses qui tournent dans ton esprit. Le temps est court, tu ne profites pas de la vie. Il est grand temps pour toi de faire une pause. Danser, oublie tout ce que les autres t'imposent. C'est l'heure de te lâcher. Car tous ces costumes de grands, enfin vivants.